De nouveau, bonsoir Jacqueline Bonsoir. Coe. Depuis le début de la nuit, nous avons parlé de John Coltrane, Nina Simone et de la musique minimaliste avec Lamont Young et Terry Riley. Nous avons également entendu Ornette Coleman, Albert Ayler, Abbé Lincoln et Philip Glass. Nous retrouvons pour parler de la suite de votre nuit rêvée sur France Culture, au programme Arvo Pärt, Shira Rimitti et Jeff Mills. Jacqueline Coe, votre nuit rêvée continue avec Arvo Pärt et avec Daniel Coe. Nous venons de l'entendre nous parler des pionniers de la musique minimaliste. Nous le retrouverons en 1987 dans la première des deux émissions qu'il consacrait au compositeur estonien. Quelle était alors la notoriété d'Arvo Pärt ? Comme pratiquement chaque fois que Daniel intervenait, c'était toujours au tout début. Ah, c'est ça que j'ai trouvé fantastique chez lui, c'était cette capacité de découvreur et de passeurs, mais ça on l'a dit tout à l'heure, mais de découvreurs de nouvelles expressions. Il avait un don vraiment pour ça. Et donc, lorsque Arvo Pärt a commencé à se faire entendre en France, Daniel était vraiment tout de suite très proche, donc a tout de suite vu qu'est-ce qu'il apportait de différent, qui était encore... Il y avait quelque chose d'intéressant là qui se passait par rapport justement aux minimalistes et aux répétitifs américains, c'est qu'on revenait en quelque sorte sur une revisitation des musiques européennes. Voilà, que ce soit les postmodernes, ce qu'on a appelé les postmodernes, c'est-à-dire Michael Nyman ou Gavin Bryars. Je situerai un peu Arvo Pärt aussi dans la suite de ce courant, si toutefois les mots ont vraiment un sens, mais qui sont en effet des créateurs qui vont s'éloigner des Américains pour revisiter quelque chose qui était notre patrimoine à nous. Et il y avait là en effet quelque chose de très très très intéressant avec cette particularité qui est celle d'Arvo Pärt, qui n'est pas du tout celle qui a priori nous intéresse, ni Daniel ni moi, quelque chose qui a quand même à voir avec du religieux, avec en tout cas une spiritualité. La spiritualité, on l'a chez Lamont Young, c'est vrai. Mais là, on l'a encore exprimée d'une façon différente chez Arvo Pärt. Ceci étant, les premiers concerts auxquels j'ai pu assister, c'était Tabula Rasa, je crois, pour moi, c'était comme une fleur vénéneuse qui s'ouvrait. Donc c'était pas vraiment dans la pureté qu'on pourrait imaginer celle associée à quelque chose de l'ordre du spirituel. C'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus paradoxal que cela. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant chez Arvo Pärt. On n'est pas du côté du blanc, hein. Il y a du noir aussi derrière là qui se profile et qui se mêle et qui vient nous donner une musique. Il y avait quelque chose que Daniel disait que je trouve très juste, l'art, quand il est animé par ses contraires, il est toujours très fort. Et je crois qu'on trouve ça parfaitement chez Arvo Pärt, un art animé par ses contraires. Voilà, et donc ça a été, une rencontre, une découverte fantastique qui est toujours puissante. Et lorsque Daniel a demandé à Arvo Pärt de participer à l'exposition La Beauté qui avait été montée par Jean de Loisy à Avignon pour fêter le passage de l'an 2000, ce que Arvo Pärt nous a proposé, et c'était très très beau, c'était My Hurt in the Highland, qui est un chant dédié à une prostituée. Voilà, c'est tous ces contraires que je trouve, c'est pas une revendication de pureté qui serait ennuyeuse, c'est tous ces contraires que manipule Arvo Pärt. Et c'est ça qui en fait une musique sublime. Ce nouveau style a également été rejeté par les avant-gardes de l'Ouest et les rétrogrades de l'Est. Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, chaque fois qu'une expression artistique nouvelle démarre et débarque, j'allais même dire de façon un peu brutale, à chaque fois elle est rejetée. C'est normal parce qu'elle met en question ceux qui sont les tenants agrippés à toute force contre un art bien assis avec ses codes, et si jamais on déroge aux codes, on n'est plus... Voilà, c'est cet esprit de sérieux qu'il y a dans trop d'institutions. Pourquoi justement tous ces personnages-là, ils sont pas dans des institutions? Parce qu'ils ont pas l'esprit de sérieux. Ils ont juste l'esprit de recherche et de découverte. Mais quand on tombe dans le dogmatisme, c'est comme en religion, c'est pareil. Il y a des religions artistiques, hein. Et ben, quand on tombe dans les religions artistiques, on tombe dans la mort. Parce que le dogme, c'est toujours la fermeture. Or, ces artistes-là, c'est des artistes qui sont dans l'ouverture, dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Donc on est là dans la vie, on est dans le flux, on est... Voilà, quand tout à l'heure je parlais aussi de fluxus, voilà, c'est le flux, on est dans le flux. Et c'est ça qui est intéressant. Et je dis toujours que même maintenant, moi je ne sais pas, il va surgir certainement quelque chose de nouveau avec les nouveaux moyens technologiques qui sont à notre portée. Des jeunes gens vont quand même, j'aimerais juste être là encore pour le voir, avoir encore un moment de rupture musicale à découvrir. Je ne sais pas avec quoi ça se fait, maintenant on commence à faire du cinéma avec des téléphones portables, il y a des choses fantastiques qui se font, il va y avoir des choses nouvelles qui vont se faire. Peut-être avec les enfants de ces immigrés qui arrivent chez nous, qui vont faire une mixture de leur culture avec la nôtre, qui vont nous proposer quelque chose qu'on ne peut pas imaginer encore. Parce que la musique techno nous a apporté ça aussi, une autre rupture encore. Maintenant, la techno, ça fait longtemps qu'elle existe. Donc il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça j'en suis sûre. Pour en revenir à Arvo Pärt, les entretiens d'Arvo Pärt sont rares. Dans cette émission, on l'entend passer du russe à l'allemand, souvent en chuchotant. On perçoit chez lui une fragilité que l'on retrouve dans sa musique. Oui, c'est un personnage d'une grande humilité. Et c'est un personnage d'une très grande discrétion. On le voit d'ailleurs, lorsqu'il vient saluer, il est extrêmement embarrassé. Voilà, il ne sait pas trop comment se tenir. Non, là encore, nous avons affaire à quelqu'un qui fait ses musiques par nécessité. Tant mieux, c'est en plus s'il est reconnu par un certain public, mais c'est pas d'abord ça qui le meut. Donc, en effet, Arvo Pärt est quelqu'un qui parle toujours très doucement, mais qui peut aussi avoir tout à coup des accès de folie. Quand on converse avec lui, on a aussi ça qui est assez extraordinaire, où tout à coup, hop, on l'attendait pas là où il va. Il est toujours surprenant, en tant que personnage même. C'est un personnage toujours surprenant, qui a quelque chose peut-être de surréaliste dans sa manière d'être. Voilà, là encore un poète. Lamantung et Terry Riley ont besoin d'accidents pour créer. L'accident leur est très précieux. La musique d'Arvo Pärt semble, elle, ne pas pouvoir supporter l'accident. Non, on est dans d'autres formes musicales. C'est-à-dire que dans un cas, comme je l'ai dit, surtout, c'est vrai surtout avec Terry Riley et avec Lamantung, parce que ce sont des improvisateurs. En plus d'être des compositeurs. Donc, ils sont capables de se rétablir. Même s'il y a une erreur qui arrive, ils vont retrouver le chemin, hein, pour revenir là où ils voulaient aller. Ça serait moins vrai pour Steve Reich et ça serait moins vrai pour Philip Glass aussi, parce que les structures sont tellement placées avec justesse que le moindre accident serait pas supportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils passaient tellement de temps à répéter. Là, avec Arvo Pärt, on est dans cette même démarche. On est dans quelque chose qui ne supporte pas l'erreur. Là, c'est une musique absolument écrite et qui doivent... D'ailleurs, j'ai une anecdote tout à fait étonnante et jolie. Je suis allée un jour le voir parce que je voulais faire une émission avec lui. Il était à Monaco et je le vois dans... J'avais rendez-vous avec lui dans un hôtel. Je l'attends dans le hall d'hôtel et je le vois arriver. Il était vert, carrément vert. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, hop, il se trouve mal devant moi. Donc j'ameute tout le monde. Enfin, bref, on appelle l'ambulance. Je me retrouve aux urgence avec lui, etc. Pourquoi était-il malade? Parce que la veille, sa pièce avait été très mal jouée. Voilà. Ça, c'est la vraie sensibilité dont nous parlions tout à l'heure, qui ne en supporte pas, en effet, les à peu près. Gavin Bryars le dit d'ailleurs dans l'émission. Oui, ils sont très amis. Gavin, lui, pourrait supporter les à peu près, puisque même il a joué avec ça. Quand Gavin Bryars utilisait, par exemple, des magnétophones qui n'avaient pas tous les piles dans le même état et que les interprètes avaient des écouteurs sur les oreilles et devaient absolument répéter ce qu'ils entendaient, on a la sensation d'une musique qui est en train de se déliter, d'un sol qui est en train de se dérober sous nos pas. Voilà, donc il est plus du côté de l'accident, mais il est plus dadaïste. Est-ce que c'est la réflexion d'Arvo Pärt disant que seul le prisme peut révéler les couleurs contenues dans la lumière blanche qui vous a inspiré le titre de votre documentaire ? Alors c'est Daniel. Ça c'est un titre que j'ai repris, emprunté en hommage à Daniel, puisque je voulais faire ce film en hommage à Daniel lorsqu'il nous a quittés. Et donc c'est en effet c'est Daniel qui a demandé à Arvo Pärt s'il pouvait réutiliser cette formule qui est tout à fait juste, et je l'appliquerai, je dirais, pratiquement moi à toutes les musiques que j'aime. J'ai la sensation sans arrêt que la musique c'est ça, hein. C'est un prisme qui nous renvoie selon l'endroit où je me pose ce jour-là, ce matin-là, ce soir-là, cet après-midi-là, une autre couleur, une autre variation, une autre vibration, une autre intensité. Voilà, et c'est constamment, on peut repasser, la lumière va pas frapper au même endroit, donc je vais voir d'autres éclats. Voilà, la couleur, le blanc, les couleurs du prisme et la mécanique du temps qui passe. Ça, c'est Daniel. Jacqueline Coe, vous avez voulu entendre Sonra et son Moog à la suite de l'émission. Oui, parce que je voulais, dans ce moment de la nuit où nous sommes arrivés maintenant, tout à coup faire un choc qui va peut-être éveiller ceux qui commencent un petit peu à s'endormir. Voilà, tout de suite derrière Arvo Pärt, mettre Sonra au Moog, pour moi, c'était une jolie rencontre. Voilà, parce que Sonra, c'est quand même un personnage, alors là, lui aussi, tout à fait inouï, qui aura, comme il le disait très joliment, « Parfois, je demande l'impossible à mes musiciens. » Et parfois, ils y arrivent, voilà, nous aura emmenés dans des territoires futuristes. Et c'est aussi quelque chose qui va m'amener ensuite à aimer la techno lorsqu'on va la découvrir. Et là, donc, c'est un morceau où Sonra est à la Fondation Mag et joue du Moog, mais d'une façon absolument hallucinante, puisque le Moog est placé derrière lui. Lui, il nous fait face avec ses vêtements chatoyants, avec sa coiffure, voilà, qui ressemble à des séries de fils entremêlés, etc. Et il joue en arrière, voilà, c'est-à-dire les mains derrière son dos. À l'aveugle. Et il développe une musique incroyable, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il nous monte un contrôle. Voilà. Par ailleurs, était projeté à ce moment-là, un film de guerrier africain. Et moi, je garde cette image, mais c'était une force, une sauvagerie, je dirais, dans le sens le plus beau du terme, qui nous est tombé dessus, et on était, mais tous à la fois ébahis, heureux, éblouis, absolument éblouis, quoi. Et ça, Sonra aura su nous donner cet éblouissement constamment. Comme le disait Jeff Mills, qui est aussi un grand amoureux de Sonra, il était ingérable. Voilà, si on avait plus de musiciens comme ça, l'industrie du disque se porterait très mal. Ce qui serait pas gênant. Et maintenant, Jacqueline Coe, nous écoutons la chanteuse palestinienne Camilia Djoubran. سبع سنين والدنيا حرابة كدا Nous venons d'entendre « Suite Nomade 1 » par Camilla Djoubran. Qui est Camilla Djoubran, Jacqueline Coe? Camilla Djoubran est une merveilleuse compositrice, chanteuse et joueuse de oud palestinienne que j'ai rencontrée lorsque j'ai fait mon film « Si je te garde dans mes cheveux » qui est un film qui parle de la lutte des femmes musiciennes arabes, parce que j'étais très énervée par tout ce que l'on disait autour de ces cultures. Et voilà, et je voulais rappeler que l'art existe, que ces femmes, tout à l'heure j'ai parlé de l'importance des femmes dans le jazz, et là je voulais aussi montrer l'importance de ces femmes arabes qui doivent se battre pour imposer leur féminité sans voile, leur talent. Voilà, et j'ai conçu même après une conférence vraiment où il y a beaucoup de choses à regarder et à entendre, que j'ai appelé les bad girls des musiques arabes, parce que je voulais quelque chose d'assez joyeux. Et ce que j'aime énormément chez Camilla Djoubran, c'est qu'à la fois, évidemment, c'est quelqu'un qui a tout le socle et toutes les connaissances des musiques les plus classiques, que ce soit Oum Kalsoum, que ce soit Asmahan, que ce soit toutes celles que l'on peut aimer, mais elle brise encore elle-même un autre tabou qui est celui de l'esthétique. C'est-à-dire que là, elle est en recherche pour, comme elle dit, moi je suis palestinienne, je ne vis pas dans une situation d'amour. Je ne vais pas chanter des chansons d'amour. Il faut que je trouve d'autres formes d'expression. Donc elle travaille énormément avec des poètes contemporains et elle nous parle de cette situation si difficile que vit son pays avec une esthétique où elle, et là on l'entendait très très bien dans son chant, où elle cherche une autre approche. Donc c'est vraiment une très grande créatrice et je suis toujours très très intéressée par toutes les recherches qu'elle peut faire. Jacqueline Coe, le free jazz, les avant-gardes musicales américaines et européennes vous ont beaucoup occupé, vous et Daniel Coe. Mais vous êtes tournée aussi vers toutes les musiques du monde et en particulier les musiques arabes, d'Orient et du Maghreb. C'est avec la chanteuse algérienne Shira Rimiti que se prolonge votre nuit rêvée. En 2000, Marie-Hélène Bernard lui consacrait un atelier de création radiophonique. Comment présenter Shira Rimiti? Shira Rimiti, c'est la grand-mère du raï. C'est elle qui a été vraiment la personnalité importante pour les jeunes Cheb et Chebab qui arrivaient dans les années 90 et ça a été un mouvement politique et musical extrêmement réprimé dans ces années-là. Et nous, Shira Rimiti, lorsqu'avec Daniel a organisé ce qu'on a appelé les journées de musiques arabes à Nanterre avec Patrice Chéreau, il a invité 300 artistes arabes du Maghreb et du Mashrek, donc ça a été très important. Et on voulait faire venir Shira Rimiti. Et à ce moment-là, l'Algérie nous a dit « Ah mais non, elle est morte !»« Ah bon ? Alors d'accord !» Voilà. Donc, et puis, peut-être 3 semaines après la fin du festival, on va, comme on allait très souvent à Barbès, chercher nos disques, voilà, on va dans les clubs, on va écouter les musiciens, on va au Luxor, à l'époque, qui passait des films d'Oum Kalsoum ou d'Abdel Wahab, et qui voit-on ? Chirar Imiti. Voilà, qui était en extrême bonne santé, qui allait très très bien, à qui on a raconté l'histoire et qui a beaucoup ri et qui nous a en effet expliqué qu'il était hors de question pour l'Algérie de se faire représenter par quelqu'un d'aussi peu recommandable, c'est-à-dire qui parlait du sexe, qui parlait de l'alcool. Elle a une chanson par exemple qui s'appelle « Déchire, déchire ma fille ». Chira recoudra, c'est-à-dire elle s'attaque vraiment au tabou de la virginité. Voilà, c'est quelqu'un qui, son nom même vient de remettez-moi ça la patronne. C'est-à-dire voilà, vous m'offrez une tournée, mais remettez-moi ça la patronne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout fréquentable et que nous avons retrouvé à Paris, qu'après on n'a plus quitté, qu'on a revu très très fréquemment. Elle voulait même nous remarier pour pouvoir venir chanter à notre mariage, à Daniel et à moi. Donc non. Non, c'était une personne merveilleuse et qui a été en effet quelqu'un qui a beaucoup influencé tous les jeunes et les jeunes femmes et jeunes hommes qui ont développé ce qui a été le RAI, qui est un mouvement très très important de révolte. Qui voilà. Se sont allègrement servis dans son répertoire. Ah oui, ça par contre, elle leur en voulait un tout petit peu, parce qu'elle trouvait qu'en effet, ils avaient pioché un peu trop chez elle, sans qu'elle touche pour autant de droits d'auteur. Mais bon, comme elle disait très joliment, vous savez, c'est tous des voleurs, voilà, donc, mais bon, ils sont jeunes, voilà. Elle leur en voulait sans leur en vouloir, vraiment. Il y avait chez elle une forme de rébellion. Est-ce que c'était une bad girl ? Ah, c'était absolument une bad girl. C'est-à-dire, c'est tellement une bad girl que quand je commence ma conférence sur les bad girls, où je remonte au 8e siècle, je remonte aux premières esclaves, voilà, qui, parce qu'elles étaient des esclaves, pouvaient chanter devant des hommes, ce que pouvaient pas faire les femmes libres. Des fois, les paradoxes sont intéressants, hein. Voilà. Et ensuite, ben, je démarre avec Chirar Imiti. Pour moi, c'est la plus belle des bad girls. Absolument. Donc, ouais. Et puis, c'est quelqu'un comme Adawaki, voilà, ce sont des femmes qui ont des voix inouïes. Et c'est des analphabètes, mais c'est des femmes qui ont un sens du poétique aussi dans leurs paroles, dans leurs propos, dans leur, voilà, elles ont une puissance. Là encore, les échelles musicales occidentales n'ont aucun lieu d'être ici. Vraiment. Elles sont à mettre très très haut dans le panthéon musical, hein, ces femmes. Rimiti ne savait ni lire ni écrire, mais elle a composé plus de 200 chansons. « C'est le malheur qui m'a instruite », disait-elle. « Les chansons me trottent dans la tête et je les retiens de mémoire, pas besoin de papier ni de stylo. » Rimiti, Piaf, Fréhel, Billie Holiday, le parallèle est facile, mais on est tenté de le faire. Il y a comme la constance du malheur dans l'existence des grandes chanteuses populaires. Oui, c'est vrai que ça vient du fait, notamment pour ce qui touche les chanteuses populaires arabes, c'est très mal vu. Ce sont des. Pourquoi je les ai appelées les bad girls ? Parce que c'est tout de même des femmes que l'on situe du côté du péché, hein, avec tout ce que transportent toutes ces religions. C'est-à-dire, en effet, c'est des femmes qui vont chanter devant des hommes, ce qu'elles ne devraient pas faire, pourquoi j'ai appelé mon titi « Je te garde dans mes cheveux », parce que le tabou de la chevelure est toujours présent, c'est des femmes qui boivent, c'est des femmes, voilà, pour eux, c'est des femmes de mauvaise vie, donc elles ont toutes les chances d'avoir une vie difficile, hein, puisqu'elles vont pas être, alors que, par exemple, Adawaki dit d'une très jolie façon, tu as le respect que tu te donnes à toi-même. Et moi, c'est des femmes que je trouve éminemment respectables, bien évidemment. Mais c'est des parcours difficiles. Et puis, c'est aussi des femmes qui, malheureusement, ne sachant ni lire ni écrire, se font avoir aussi. Voilà, on l'a dit aussi, même pour Nina Simone, qui était pourtant pas dans le même, tout à fait le même contexte, elles se font avoir par les gens qui sont autour d'elles, qui les manipulent, qui prennent leur argent. Par exemple, moi, je suis catastrophée quand je constate que Adawaki, elle a pas cotisé, elle a rien fait. Donc, qu'est-ce qu'il advient à ces femmes lorsqu'elles vieillissent ou lorsque leur voix les lâche ? Voilà, donc elles sont dans des grandes situations de précarité. Mais en même temps, par exemple, Ada va me dire « Mais moi, je suis une nomade. Tant que mes jambes me porteront, je marcherai, je bougerai, je ne peux pas m'établir. Ça bride ma liberté. Je ne peux pas établir. Et c'est contradictoire avec leur manière de voir la vie. Je crois que Shirarimiti, c'est pareil, elle a toujours vécu dans la même petite chambre au rez-de-chaussée d'un petit hôtel de Barbès. Elle envisageait, je ne suis même pas sûre qu'un appartement plus confortable lui aurait convenu. C'est ailleurs que les choses se passent. Elles habitent ailleurs. Rimiti était toujours accompagnée par des instruments ancestraux. C'est à la fois l'attachement à la tradition et à la transgression, Rimiti. Oui, absolument. Ça, la transgression, elle est première chez elle. Mais en même temps, elle prend vraiment appui ce sur quoi elle s'est formée. Hein, c'est-à-dire quand elle était toute petite, elle a d'abord appris, comme beaucoup, comme Oum Kalsoum l'a fait aussi, les chants religieux. C'est d'abord ça qu'elles apprennent. Et puis ensuite, des chants religieux. Pour ça, je dis aussi qu'Oum Kalsoum est quelqu'un que je peux placer du côté des bad girls. Parce que très vite, elle a d'abord, même Oum Kalsoum, elle a dû se déguiser en garçon, hein, pour pouvoir chanter devant des hommes. Et puis ensuite, du chant religieux, elle passe au chant amoureux, ce qui est déjà un grand tabou. Ensuite, elle passe de la langue arabe classique à la langue populaire pour se faire mieux comprendre. Ça, c'est encore un autre tabou. Voilà, et quand je parle de Camélia tout à l'heure, elle casse encore le tabou esthétique. Voilà, donc c'est des séries de choses qu'elle vient désintriquer pour pouvoir trouver une place, elle, chacune d'entre elles. Voilà, je crois qu'en fait, on ne peut pas trouver sa place sans déconstruire. Il faut bien déconstruire avant pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Nous entendrons également la voix de Waed Bouassoun. Ah, ça, c'est aussi une merveilleuse chanteuse qui est une chanteuse syrienne qui est venue en France en 2012. Évidemment, elle ne peut pas retourner vivre actuellement dans son pays. Et elle est venue aussi faire des études d'ethnomusicologie à Nanterre. Parce qu'elle va être, en fait, la première femme ethnomusicologue de la Syrie. C'est une merveilleuse chanteuse. Elle a donné récemment des concerts où là, elle interprétait aussi des chants populaires du sud de la Syrie. Et ça changeait complètement sa tessiture. On était dans quelque chose de beaucoup plus âpre. Et j'ai appris quelque chose de très intéressant avec elle. Par exemple, elle travaille beaucoup sur les chants de mort qui sont chantés par les femmes. Et en fait, les chants de deuil sont les mêmes que les chants de mariage. C'est-à-dire, elle fait partie d'une communauté druze, soufie, et en fait, c'est le passage qui est chanté. C'est pas tant la mort, c'est le passage, c'est-à-dire quitter la maison des parents pour aller vivre dans la maison du mari, quitter son statut de jeune fille pour devenir une femme mariée, quitter ce monde pour aller... Voilà, c'est les mêmes chants. Ça, c'est très très beau. Jacqueline Coe, vous avez choisi de clore votre nuit rêvée avec l'atelier électro de Jeff Mills. En 2013, il était l'invité de Thomas Baumgartner pour l'atelier du son. Jeff Mills, grande figure de la techno de Détroit, ensemble là, bien loin de Coltrane, de Lamont Young et d'Arvo Part. Comment en vient-on à s'intéresser à la musique techno de Détroit, Jacqueline Coe? Parce que là, j'ai trouvé, Daniel aussi a été là tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouvait dans la musique techno? L'électronique, la répétitivité et la transe, vers tout ce qui était le socle des musiques que nous aimions jusqu'alors. Donc quand la techno est arrivée, ça nous a juste semblé tout à fait naturel. Sauf qu'il était en effet intéressant de travailler avec des musiques qui existaient déjà et d'arriver à les mixer de telle manière qu'on construise une musique nouvelle à partir de cela. Ensuite, moi, en tant que réalisatrice indépendante, j'ai été aussi très très très intéressée par le fait que chacun d'entre eux avait son propre label. C'est-à-dire ce dont on a parlé au début de la nuit. C'est-à-dire en effet, comment est-ce qu'on se donne les moyens avec une technologie qui bouge, qui nous donne des possibilités d'avoir notre home studio, de monter dans la chambre, de faire, voilà, de ensuite de diffuser soit à travers Internet, soit vers etc. Donc, j'avais des choses aussi à apprendre avec eux. Et puis, je voulais comprendre jusqu'où le libéralisme aussi pouvait aller en laissant tomber une ville en six ans. C'est-à-dire, 67, c'est les émeutes raciales, l'armée est là, il y a les tanks dans la ville, ça, Jeff s'en souvient très très bien. Voilà, on délocalise les usines parce que ça devient devient trop dangereux, on abandonne les usines. 73, c'est la crise du pétrole. Donc là, les grosses bagnoles deviennent trop consommatrices, donc on arrête les chaînes. En 6 ans, une ville qui était la 4e ville des États-Unis est morte. Et maintenant, c'est une ville d'une pauvreté incroyable, où, comme les gens ne trouvaient plus à vendre leur maison, parce que personne ne veut venir habiter là où il n'y a pas de travail. Donc, ils brûlaient leur maison, et ça continue encore avec l'histoire des subprimes, pour récupérer l'argent des assurances. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Blanc comme noir, hein, d'ailleurs. Sauf que maintenant, Détroit, c'est une ville essentiellement noire, le downtown, et qui est en pleine déliquescence, vraiment. Et je voulais comprendre aussi comment, dans un lieu aussi déliquescent, justement, avait surgi une musique aussi puissante. Comment elle pouvait avoir cette force de vie qui fait que quand je me lève le matin, je mets un disque de musique techno et tout de suite, la journée commence bien. Donc voilà, je voulais comprendre tout ça. Et ensuite, bon, on a collaboré avec Jeff Mills, on a fait ce film Man From Tomorrow, qui nous emmène vers quelque chose d'extraordinaire, expérimental, vers le futur, vers le voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup chez Jeff Mills, c'est son ouverture aussi, c'est-à-dire travailler avec des danseurs, travailler avec des écrivains, travailler avec des réalisateurs. Voilà, faire en sorte que quelque chose se renouvelle aussi, parce que voilà, il a 50 ans, il a commencé, il en avait 17, il me dit, mais si je fais pas autre chose, je meurs, quoi. Il faut, voilà, que quelque chose toujours continue du côté de la vie. Mais pour en revenir à la techno, cette musique née dans une ville socialement et économiquement dévastée, sur un véritable champ de ruines, est-ce que la techno est l'expression de cela ou au contraire une forme de résistance à cet effondrement ? C'est une résistance, c'est absolument une résistance. C'est-à-dire, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans une ville comme celle-là ? Donc à la fois, enfin c'est plus complexe peut-être que ça. C'est-à-dire que malgré tout, les parents de ces musiciens-là, ils travaillaient dans les usines d'automobiles. Donc à l'époque, ils avaient un statut social et un statut économique bien meilleur que dans beaucoup d'autres villes des États-Unis, bien meilleur qu'à San Francisco, bien meilleur qu'à New York. Et tous ces enfants-là, qui sont devenus des grands DJ, que ça soit Kevin Sanderson, Derrick Mair, Juan Atkins, Mad Mike, Jeff Mills, etc., ils sont allés à l'université, alors que d'autres enfants noirs ailleurs n'y allaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient les moyens aussi de très bien comprendre comment fonctionnaient les machines électroniques, etc. Et ensuite, dans cet univers complètement défait, ils se sont réunis et ils ont trouvé quelque chose qui leur permettait de survivre, c'est-à-dire de trouver une raison, voilà, de faire des fêtes aussi, parce que les premiers rêves ont quand même eu lieu dans les usines abandonnées. Et ça, j'imagine, moi j'y étais pas, mais j'imagine que ça devait être quelque chose. Détroit avait, avant la techno, une riche histoire musicale. Absolument. C'est ça. C'est pourquoi aussi j'ai fait un film que j'ai appelé Cycles of the Mental Machine. D'abord, c'était un hommage que je rendais à Electrifying Mojo, qui a été vraiment cet homme qui a introduit toutes ces musiques sans hiérarchie, justement. Aussi bien Stockhausen que les MC5, que Marvin Gaye, que voilà. Donc c'était quelqu'un qui a été en quelque sorte comme leur conservatoire. La radio avait un rôle très très important à Detroit, hein. Voilà. Et donc en effet, il y a eu le blues qui est venu, qui a été le blues électrifié, le rhythm and blues. Après, il y a eu Berry Gordy, qui a créé Tamla Motown, qui a été ce qu'on appelait le son de l'Amérique. Voilà, donc c'est une ville de musique. C'est une ville musique pour moi. Donc il y a peut-être encore des choses qui vont... Mais la techno, maintenant, n'y a plus beaucoup de place. Avec la techno, c'est aussi le corps qui est remis en jeu. Un besoin d'exulter, d'exister physiquement, peut-être de remettre les corps chômeurs en mouvement, en vie, un corps social déchu et désœuvré. Je sais pas si c'est ça que je dirais, moi. Je dirais plutôt, je reprendrais une parole que Daniel dit à la fin de l'intervention de Richie Hawtin dans mon film Les couleurs du prisme. L'homme a droit au plus conceptuel et aussi à la transe. Il a le droit que son corps exulte. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là que moi j'irais, avec la capacité, en effet, de se retrouver ensemble. C'est-à-dire un peu comme le cinéma. Voilà, pourquoi est-ce qu'on regarde pas seulement des films à la maison quand même? On continue, en tout cas en France, à aller encore un peu dans des salles, se éprouver ensemble une émotion. C'est un peu ça aussi qui est vécu dans les clubs. Et puis faire en sorte qu'en effet, on a un corps qui danse. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça aussi. Donc, je suis pas sûre que ça soit pour compenser. Bien sûr, on peut dire que Manchester aussi a été une ville qui a été importante pour la techno. Berlin a été, voilà, des villes où les choses étaient difficiles. On peut dire aussi que c'est une catharsis. Mais je pense que c'est plutôt la musique elle-même qui est une catharsis que le simple fait d'aller danser et de bouger tous ensemble. C'est la musique, la puissance de la musique est une catharsis, oui. Est-ce que c'est pas la musique post par excellence, post-industrielle, post-communiste, post-nationale, voire même comme l'expression d'un rêve, d'une utopie post-humaine ? Post-humaine, sûrement pas. L'expression d'une recherche de son, puisqu'en effet, tous ces musiciens-là, ils sont hantés, je dirais, par l'espace, par le futur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sons qui n'ont pas encore été faits? Mais c'est plus dans le, comme un outil, par exemple, Jeff, quand on lui dit ça, il dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans l'espace. Je suis sûr, je serais terrorisé. Ce qui m'intéresse, c'est de penser qu'est-ce que serait le son si je m'approche d'une planète? Quelles seraient les fréquences que j'entendrais à ce moment-là? C'est-à-dire, quels moyens je peux encore trouver pour générer des sons que je n'ai jamais encore entendus? Voilà. Lui, il dit une chose très belle. Ma mémoire m'encombre. Voilà, parce que après tant d'années, je veux trouver autre chose que ce que je connais déjà. Ça, c'est une très jolie réponse. Et l'espace serait un lieu dans lequel je serais obligée d'improviser. Tout ce que j'ai appris jusque-là ne me servirait plus à rien. Il faut que je trouve autre chose. Voilà, c'est ce goût. Plus que tout, un peu comme étaient aussi les gens qui s'occupaient de Fluxus, un peu comme Lamantyoung. Il y a eu un moment, qu'est-ce qu'on mettait en avant? C'était le nouveau. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Alors après, il y a des pièges autour de ça, hein. Mais peut-être est-on dans quelque chose de cet ordre-là. Voilà, post-industriel, post... Oui, aussi, puis surtout quand on voit la ville où la techno a émergé. C'est possible, mais c'est du côté, là encore, vainqueur, parce que c'est du côté du désir. On est toujours du côté du désir quand on fait de la musique. On n'est pas vaincu, on est vainqueur, voilà. Et quand j'ai rencontré, là, il n'y a pas longtemps, des musiciens qui venaient d'Alep, qui ont absolument tout perdu, y compris leurs archives, y compris, etc. Je dis, mais quand on vit des situations pareilles, qu'est-ce qu'on fait? Et avec un très beau sourire, ils me répondent, mais on chante. Et on fait de la musique. On retombe sur ce que vous disiez au tout début, l'importance de la musique dans la vie, dans ma vie en tout cas, ça c'est évident. Peut-être est-ce une drogue aussi, c'est possible. En tout cas, c'est une bulle dans laquelle on a énormément de plaisir à se déployer. Merci Jacqueline Cau, nous nous retrouvons merci à vous. Dans un peu moins de 3 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée. Et nous aurons écouté d'ici là Arvo Part par Daniel Cau en 1987, Shira Remiti, l'étoile bédouine, un atelier de création radiophonique proposé par Marie-Hélène Bernard en 2000, et pour finir l'atelier électro de Jeff Mills dans l'atelier du son de Thomas Baumgartner en 2013. Jacqueline Cau, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.